الإعلام العربي من مونتي كارلو الدولية مع أطيب أطيب. Voici notre rendez-vous quotidien où nous vous parlons de tout sans jamais nous priver de rien. La culture de tous les jours, celle qui sait si bien réussir la vie. Le rendez-vous quand on met ensemble Amérique et Islam, on pense au Twin Towers, 9-11, à ce qui s'est passé en 2001. Il était une fois, un certain 4 octobre 2008, une petite radio. Cette radio s'appelait TBK Project. Ce projet est né d'un grand amour pour l'art et les cultures. Et depuis ce jour-là, chaque lundi, Switch est un magazine culturel d'une production indépendante assurée par Temer Maki, certifiant qu'aucun invité ne sera endommagé durant les heures d'émission. La mission de Switch vise à promouvoir une culture ayant le pouvoir de changer les données, un art capable de réhabiliter une culture aux ailes brisées. La radio Tunes Bledi et TBK Project ne se portent pas responsables des propos déclamés par Temer Maki, Khouloud Mabrouk et leurs amis. Et depuis, chaque mardi est devenu comme rendez-vous hebdomadaire ma purement théâtrale mais c'est pas parti qu'il s'avère un instant on m'a un email ou dîner petit virage j'ai oublié le nom des animatrices le plus important donc voilà email ou dîner je suis deux comme l'émission terna lium l'agenda et dans notre agenda il y a aussi un mercredi où on fait des voyages. Salut tout le monde! Salut tout le monde et bienvenue à notre rendez-vous de tous les mercredis. C'est de KR Lines. Voilà, KR Lines avec Coco et Oz. Donc, comme d'habitude, on va choisir notre destination comme chaque semaine. C'est l'aventure, c'est ça. C'est fort, c'est beau, c'est magnifique. Donc, décollage immédiat vers où? Et le décollage immédiat sera vers. Eh oui, voilà donc. Voilà, donc c'est Electronica, mais par contre, c'est un rendez-vous exceptionnel puisqu'il s'agit de Electronica Plus qui passe mercredi, chaque mercredi. Et si vous écoutez ça, Electronica Trash. More excitement. More everything. Sachez bien que vous êtes à l'écoute de Electronica Trash. Electronica Trash. Et sinon, c'est un jeudi un peu mouvementé que vous attend en compagnie de Culture Live, la culture avec zéro matière grise. Attends 2 minutes, il y a Culture Live qui passe à la radio. C'est de la place. La prochaine fois, c'est encore le même succès. Et sinon, avec les voix de Méloman et Amine, ça serait un vendredi exceptionnel. Et bien sûr, notre rubrique, la rubrique des BO exclusifs. Je vous ai collecté des BO des films qui vont sortir en juin et en juillet. Tu te rends compte? Voilà, oui. On va écouter exclusivement des BO des films qui ne sont même pas encore sortis et même la date n'est pas encore prévue. Donc ça va être très exclusif. C'est qu'à 57. Et bien sûr, un vendredi n'est pas un vendredi sans la charmante et la charismatique voix de Emira. Donc, Charisma. Bonjour et bienvenue dans Charisma. Vous êtes dans un autre rendez-vous avec moi, Emira. Aujourd'hui, j'ai un invité un peu spécial par rapport aux invités qu'on a déjà eu dans Charisma. Et pour ceux qui adorent les dimanches à l'écoute de la radio, ben nous aussi, on vous a prévu un dimanche exceptionnel avec, pour le commencement... Et oui, le magazine de la culture et des cultures, bienvenue encore une fois dans Cacom Culture. Bien sûr, ça commence tout, chaque dimanche de 18h à 21h. Ben, je vous souhaite la bienvenue. Et bien sûr, c'est l'émission qui vous fait dormir moins bête chaque dimanche, ce qui est bien. Donc voilà. Vous aurez plein d'informations pour que... Enfin, vous pouvez les partager sur chaque jour et chaque jour, vous dormirez moins bête. Donc voilà, c'est bien. Et afin de bien finir votre semaine, nous avons aussi prévu du son électronique dans... Electronica. TVK Project. Electronica. Electronica. TVK Project. Electronica. Pour ne rien vous cacher et tout vous dire, voici la petite histoire de notre petite station. D'ici, on parle culture. Et vous ?